ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, dirigé en seconde partie par Dominique Paoli, assisté de Lydie, diffusé en direct lundi 1er août 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 2 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir après ce mois de juillet qui était consacré à quelques pré-enregistrements, mais des pré-enregistrements originaux néanmoins. Et ce soir donc, j'ai l'honneur de remplacer notre président Henri de Lesquin pour la deuxième partie de son libre journal. Et pour cette deuxième partie, j'ai réuni plusieurs personnes pour traiter d'un sujet, je crois qu'il vous intéressera à mon avis profondément, et qui est 60 ans après sa mort, le maréchal Pétain face à l'histoire. Alors pourquoi ? Eh bien, vous le savez, le maréchal Pétain était mort, le 23 juillet 1951. Ça fait donc pratiquement juste 60 ans. Il y a d'ailleurs eu des cérémonies à l'Île-Dieu à cette occasion. Mais nous, à Radio Courtoisie, et personnellement, je souhaitais revenir sur ce que l'histoire a fait du maréchal Pétain. Alors, donc, j'ai réuni plusieurs invités aujourd'hui que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord, et c'est un grand honneur également, le docteur Florence Perdu, qui est une arrière-petite-nièce du maréchal Pétain. Elle, docteur, bonsoir. Je pense que vous nous expliquerez exactement votre parenté tout à l'heure avec le maréchal Pétain, et vous êtes venu à Paris exprès pour participer à cette émission, et je vous en remercie très vivement. Alors, à côté d'elle, le Philippe Conrad. Alors, Philippe Conrad, bien entendu, pour les auditeurs, c'est un grand familier. Hein. D'abord, il est... Je vais donner tous ses titres, allez, je vais étaler. Alors, cher Philippe Conrad, vous êtes professeur d'histoire, écrivain, vous dirigez le vendredi soir de la semaine B à 18h, le libre journal des historiens, le mardi. Le mardi, pas le vendredi. Excusez-moi, pourquoi j'ai mis le vendredi? Mais non. Je réveille d'anciens problèmes, alors je vais tout de suite corriger. Le mardi, je devrais le savoir. Le mardi, donc, de la semaine B à 18h, le libre journal des historiens avec votre ami et complice Dominique Vénère. Et vous collaborez aussi à la nouvelle revue d'histoire que dirige Dominique Vénère et qui a d'ailleurs à plusieurs reprises parlé précisément du maréchal Pétain. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Pétain, qui s'intitule Pétain, et qui est paru alors aux éditions Chroniques, c'est ça ? Éditions Chroniques, oui. En 2000. En 2000, et qui a été réédité dans un format plus grand il y a 2 ans, je crois, et qui est actuellement disponible, donc toujours aux éditions Chroniques d'Argo. Voilà. Bon, très bien. Et ensuite, nous aurons par téléphone le professeur François-Georges Dreyfus, qui lui aussi est titulaire d'une émission en Radio Courtoisie, qui est professeur émérite à la Sorbonne, président d'honneur du Cercle d'études et de réflexion sur la défense, et historien, bien entendu, et lui, il dirige un libre journal le dimanche de la semaine à midi. Et il est l'auteur, entre autres, dans une œuvre importante, Une histoire de Vichy, parue aux éditions de Fallois. Et enfin, Philippe Prévost, que je remercie très vivement de m'avoir donné l'occasion de rencontrer le docteur Florence Perdu, c'est grâce à lui, et oui, qui était déjà là d'ailleurs dans le pré-enregistrement de la première partie de cette émission, oui. Où vous traitiez d'un sujet qui finalement n'est pas si loin, et puisqu'il s'agit bien sûr du problème de l'Église et du ralliement, sur lequel vous avez écrit un ouvrage très important. Et votre dernière collaboration, ce sont les actes d'un colloque un acte sans précédent, la levée de la condamnation de l'action française aux éditions Les Amis de Jehanne. Et je le recommande vivement à nos auditeurs, car ça éclaire d'une manière remarquable, et en particulier votre participation, ce qui s'est passé et comment on en est arrivé finalement à cette levée de la condamnation de l'action française. Voilà, oui. Par le Vatican, bien entendu. Oui. Voilà, alors voilà tous nos invités ce soir, et je vais donc dire qu'il n'y a pas seulement que ma participation, mais il y a surtout des participations très importantes, oui, comme celle du professeur Ballas, oui. De l'abbé de Tannoir, d'Olivier Dard, etc. Voilà. Ce sont des actes de colloque, donc forcément, oui. C'est un livre collectif. C'est un livre collectif, bien mais il y a de très très bonnes interventions dans ce livre. En tout cas, c'est un livre de fond à avoir dans sa bibliothèque. Alors, le sujet, eh bien donc, c'est le maréchal Pétain face à l'histoire. Je dirais que, rapidement, qu'il y a eu, après sa condamnation et puis après son décès, il y a eu trois périodes, fortes chez les historiens. Bon, il y a d'abord eu Robert Aron, je vais mettre en premier Robert Aron, dont j'ai d'ailleurs là les grandes odyssées de l'histoire contemporaine, qui a essayé d'avoir une opinion mesurée, équilibrée, sur ce qui était arrivé au maréchal Pétain et sur sa personnalité. Et malheureusement, il a été combattu d'une manière agressive par un Américain qui s'appelait Paxton, qui s'appelle d'ailleurs toujours Paxton, puisque je pense qu'il est encore de ce monde. Et puis ensuite, eh bien, nous avons eu quand même un miracle extraordinaire avec le général Le Groignec. Je rappelle que le général Le Groignec était quand même un héros de la Deuxième Guerre mondiale, un pilote et puis qui a eu des fonctions extrêmement importantes dans l'armée de l'air, et qui a pris, lui aussi, la défense, lui à ce moment-là, essayé de renverser la vapeur en montrant des preuves historiques du rôle positif du maréchal Pétain. Donc, je rappelle que le maréchal Pétain était né en 1856, et donc, ça veut dire qu'il est mort à 95 ans, à l'Île-Dieu, en captivité, et, enfin bref, pour un maréchal de France, c'était parfaitement lamentable qu'on l'ait traité comme ça. Je crois que nous en sommes tous d'accord là-dessus. Je pense que beaucoup d'historiens le sont. C'est pour ça que je prends la liberté de le préciser. Et donc, si on le veut, le rôle de l'histoire et des historiens aujourd'hui d'essayer de voir où on en est, puisque la télévision s'en mêle assez régulièrement, où on en est de l'image que l'on retient maintenant du maréchal Pétain. Mais auparavant, nous allons écouter quelque chose. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée salut maréchal, tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême, ont répondu présent. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France, nous jurons, nous de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà, tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse héros de Verdun, en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, maréchal, nous voilà, voilà, devant toi le sauveur de la France, nous jurons, et de suivre tes pas. Maréchal, maréchal, nous voilà, nous voilà, Bien, eh bien, écoutez, je crois que nos auditeurs sont maintenant, et d'ailleurs dans le studio également, dans l'ambiance du maréchal Pétain. C'est vrai que c'est quand même une chanson extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes politiques qui aient eu ce genre de chanson à leur gloire. Et d'ailleurs, dans une récente émission à la télévision, qui était intitulée « Pétain, un héros si populaire », il y avait quand même, à plusieurs reprises, des participants, c'était surtout dans le débat qui suivait, qui étaient complètement, n'arrivaient pas à ne pas reconnaître que le maréchal Pétain avait une immense popularité, même peut-être la plus grande popularité qui soit. Et puis, en même temps, alors évidemment, ils ne pouvaient pas trop, il fallait qu'ils soient prudents. Alors, mais on sentait qu'ils étaient sous le charme, malgré tout, de la popularité du maréchal Pétain. Alors, Florence Perdu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre parent? Enfin, j'ai dit que vous êtes l'arrière-arrière-petite-nièce, mais expliquez-nous peut-être un peu une vague généalogie familiale. Comment vous êtes parente? Donc, merci à Radio Courtoisie, à Madame Dominique Paoli et à Monsieur Philippe Prévost pour leur invitation. Merci à tous les adhérents de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, dont je fais partie du comité directeur, qui ont pu faire masse le 23 juillet 2011 à Lisieux pour protester contre les nombreuses calomnies et mensonges médiatiques contre le maréchal Pétain, notamment en 2010, surtout cette année 2010, année Charles de Gaulle. Merci à mon père, le docteur Bernard Perdu, qui m'a prêté ses arbres généalogiques qui sont géants. Alors, son père, c'était Omer Venant Pétain, c'était un cultivateur. Sa mère, c'était Clotilde Legrand. Son grand-père paternel s'appelait Benoît-Joseph Pétain. Et sa grand-mère paternelle, Françoise-Augustine Pétain. Son grand-père maternel, Jean-Baptiste Legrand. Et sa grand-mère maternelle, Anne-Constantine Legrand. Sa première sœur s'appelait Marie. Sa deuxième sœur, Adélaïde. Sa troisième sœur, Sarah. Lui était le quatrième de la famille. Sa quatrième sœur s'appelait Joséphine. Sa mère est morte en accouchant de Joséphine, donc sa quatrième sœur. Philippe Pétain avait presque un an et demi à la mort de sa mère. Et alors, les deux personnes au monde qu'il a détestées le plus dans sa vie sont sa belle-mère et Hitler. Le maréchal Pétain a été élevé par ses oncles prêtres, un oncle maternel, l'abbé Philippe-Michel Lefebvre, et un frère de sa mère, l'abbé Jean-Baptiste Legrand. Son grand-oncle maternel lui racontait l'histoire de la guerre de 1870, les guerres napoléoniennes, et donc il s'est basé sur ces guerres pour établir sa stratégie militaire. Il a reçu une éducation très chrétienne par ses oncles prêtres, ce qui a influencé toute sa vie, mais ne lui a pas donné de vocation de prêtre pour autant. Il a été élevé au collège Saint-Bertin à Saint-Omer. Il a pu faire des études grâce à un couple riche et sans enfants, probablement de son village, qui a confié l'héritage à l'abbé Legrand, probablement l'abbé Legrand, pour donner à un enfant méritant et susceptible de faire quelque chose pour la France. C'est Philippe Pétain qui a été choisi. Son père se remarie, sa première demi-sœur s'appelle Elisabeth, puis il a eu un demi-frère unique, Antoine, et une deuxième demi-sœur, Laure. Je n'ai pas eu la chance de connaître la demi-famille du maréchal Pétain. Dans ses sœurs, il n'y en a eu qu'une seule qui a eu des enfants. C'est l'aînée, Marie, qui a épousé un Pommard. Et ils ont eu 4 enfants, Berthe, puis Clotilde, puis Edmond, puis Paul. Marie se remariera à la mort de son époux Paul Pommard, décédé accidentellement à son travail, et avec toute la désapprobation de sa famille et de son frère Philippe Pétain, car l'homme qu'elle épousera en deuxième noce est un divorcé. Seul Paul Pommard, le dernier, des enfants de Marie, le neveu du maréchal, aura des enfants. dont l'aîné, ma mamie, Yvonne Pétis de Morcourt, qui a eu 5 enfants, dont Marie-Édith Chérard, qui a épousé Louis-Dominique Chérard, celui qui a écrit « Montoire, Verdun diplomatique », et Mazinghem, ou « La vie secrète du maréchal Pétain », entre autres livres, dont ma mère, le docteur Françoise Perdu, et ma marraine, sa petite sœur, Madame Nicole Malivet. Ma mamie, Madame Yvonne Pétis de Morcourt, petite nièce du maréchal Pétain et personne référente du maréchal, a eu donc 5 enfants, 5 pièces rapportées, 16 petits-enfants, dont je fais partie, et les 15 pièces rapportées et 40 arrière-petits-enfants. Paul Pomard, neveu du maréchal, aura également une autre fille, la sœur de mamie, tante Claire Louarn, qui a eu 2 filles, 2 pièces rapportées, 3 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Paul Pomard, neveu du maréchal, aura également un garçon qui s'appellera aussi Paul Pomard et qui aura 4 enfants, 4 pièces rapportées, 10 petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Dites-moi, ça fait une très nombreuse famille, ça, même si ce n'est pas directement la descendance du maréchal Pétain, puisqu'il n'a pas eu d'enfant, du moins pas d'enfant, disons, légitime. Et ça fait une très très belle famille, tout ça, de votre côté. Alors, comment vous avez-vous appris, comment vous êtes-vous familiarisé avec le maréchal? Le maréchal Pétain venait voir ma mamie en pension. Il vérifiait si elle rangeait bien son placard dans sa chambre de pensionnaire et l'emmenait déjeuner avec les officiers. Tu préfères déjeuner à la Tour Eiffel ou tu préfères déjeuner avec les officiers? Et ma mamie répondait, à la Tour Eiffel. Et son grand-oncle lui disait, mais non, on déjeunera avec les officiers. Et le maréchal de France, Philippe Pétain, a dit à ma mamie, donc sa personne référente et sa préférée effectivement, qu'il n'a jamais eu d'enfant. Certains membres de la famille se cachent. La famille a peur pour les carrières professionnelles des uns et des autres. Alors, le lieutenant Philippe Pétain s'est fiancé avec Marie-Louise Rogade, parée de toutes les qualités désirables, fiancée idéale pour lui, mais les parents très riches ont refusé ce mariage parce que Philippe Pétain n'était pas assez riche et n'avait aucun avenir. Et s'il voulait épouser Marie-Louise Rogade, il fallait qu'il renonce à sa vocation de militaire et qu'il rentre dans l'usine du père. Le lieutenant Philippe Pétain a choisi de sacrifier son amour à sa carrière militaire après s'être recueilli sur la tombe de l'abbé Legrand à Mazinghem. Une 20aine d'années plus tard, Philippe Pétain et Marie-Louise Rogade se retrouvent dans les musées de Paris, lui devenu maréchal de France et libre, et elle devenue mondaine et veuve de son riche époux, dont elle n'a eu qu'un seul fils, décédé à la guerre en 1915, mais qui lui laissera une petite fille du même prénom que lui. Le maréchal Pétain décide de l'épouser et en fait parle à Eugénie Ardon, Madame Eugénie Ardon, sa gouvernante maîtresse, qui l'oblige à l'épouser sous la menace du revolver. « Tu me poses ou je te tue ». Le maréchal s'est marié 2 fois, une première fois sous la menace du revolver, mariage civil pour ne pas faire de scandale, et 20 ans après, religieusement, par procuration, à son insu. Et donc, vous me disiez, quand nous préparions cette émission, que vous avez trouvé chez votre grand-mère, donc, beaucoup de souvenirs du maréchal Pétain, et que c'est ça qui vous a familiarisé avec le maréchal. Oui, c'est ma mamie qui nous a transmis toute son admiration pour son grand-oncle. Et donc, le maréchal a fait venir les enfants de ma mamie à Vichy, En été 1944, ma tante Marie-Édith Chérard, maman et ma marraine y sont allées, contre le gré de la maréchale, au pavillon Sévigné à Vichy. Mm-hmm. repas au pavillon Sévigné et couché à l'hôtel du Pont-Neuf à Vichy. Mes deux tantes et maman ont été témoins de l'enlèvement de force du maréchal par les Allemands, puisque Marie-Édith a été appelée par le maréchal pour confier les enfants. Ouais. Maman, ça, qui avait 11 ans, ça. Et leur sœur plus jeune à une personne de confiance durant les 15 jours qui les ont séparés de l'avenue de ma mamie à Vichy. Je pense que les trains ne devaient pas très bien fonctionner à cette époque de la guerre. Ma tante, puisque ma mamie était à Amiens, et donc il fallait aller à Vichy. Ma tante Marie-Édith Girard venait passer ses vacances de ski avec mes parents et mes 5 frères et ma sœur chez nous à Megève, à Noël et à Mardi Gras tous les ans. Elle nous parlait toujours du maréchal Pétain en disant que Charles de Gaulle n'a fait que des bêtises et disant que Charles de Gaulle a sacrifié la France pour satisfaire ses ambitions, tandis que le maréchal a sacrifié sa vie pour la patrie. Et son honneur. Hein. Que le maréchal était très bien à Lisieux, loin de toutes les lois françaises mauvaises, et que l'essentiel, c'est de toujours entendre et parler de lui. Alors, nous allons rappeler que... Et que nous écoutons, bien sûr, que nous écoutons Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin. Alors, chers auditeurs, vous avez écouté la première partie qui était préenregistrée le 25 juillet et qui était dirigée par Henri de Lesquin. Et la seconde partie que vous écoutez en direct est dirigée par Dominique Paoli. Alors, donc, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Florence Perdu, arrière-arrière-petite-fille du maréchal... Petite-nièce. Ah oui, c'est un piège. Nièce du maréchal Pétain, Philippe Conrad, historien-écrivain, Philippe Prévost, historien, et nous espérons par téléphone le professeur François-Georges Dreyfus. Alors, le thème de cette émission, c'est 60 ans après sa mort, le maréchal Pétain face à l'histoire. Voilà, et alors justement, je me tourne maintenant vers Philippe Conrad, qui nous fait la grâce d'être là ce soir dans le studio, pour lui demander justement de nous faire un petit peu ce bilan. Alors, il y a un élément qui est très important et qui rejoint... Bon, vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage sur le maréchal Pétain, mais en même temps, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire militaire. Donc, je pense qu'il y a un élément que vous souhaitez certainement développer, c'est... le vainqueur de Verdun et le début de l'aura du maréchal Pétain. Oui, il est évident que la Première Guerre mondiale a été un élément déterminant dans la construction de la popularité extraordinaire qui a été celle du maréchal Pétain pendant l'entre-deux-guerres. Il faut rappeler un petit peu ce que fut la carrière météorique de l'intéressé. 1914, les colonels... Il s'apprête à partir en retraite et le ministre de la guerre, Messimi, a refusé à plusieurs reprises de lui donner les étoiles de général parce qu'on considère qu'il n'est pas suffisamment bien pensant. On lui reproche son indépendance d'esprit. Les critiques sur la doctrine officielle donnant la priorité à l'offensive. Donc, a priori, tout doit se terminer pour lui à l'été 1914. Et en fait, tout commence. Hein. En 1914, il est colonel, donc la guerre se déclenche. Il va partir avec son régiment, le 33e RI, où sert le lieutenant de Gaulle. Il va connaître en quelques semaines une promotion tout à fait spectaculaire, puisqu'il se retrouve presque immédiatement comme colonel commandant une brigade, puis il devient général de brigade. 3 jours plus tard, il prend le commandement d'une division, et à la fin de 1914, il est général de corps d'armée. Donc les événements, à un moment où le rythme des mises à l'écart des généraux complètement dépassés s'accélère, font qu'il se retrouve très vite dans les premiers rôles. Et en 1915, il est celui qui, lors de l'offensive d'Artois de l'armée d'Urbal, réussit le mieux avec son 33e corps, qui réussit à percer les lignes allemandes, mais comme sur sa droite, sur sa gauche, les autres corps n'obtiennent pas les mêmes résultats, cela reste finalement sans lendemain. Il s'en retrouve pas moins à la tête, bientôt à la fin de l'année 1915, à la tête de la 2e armée après l'offensive de Champagne, où il n'a pas manqué d'ailleurs de critiquer la manière dont celle-ci a été conduite. Toujours la priorité donnée à l'offensive par Joffre, hein, le fameux je les grignote, sans que... Mais Joffre ne se rend pas compte que quand c'est sa propre armée qui le grignote, puisque quand un Allemand est tué, il y a 3 Français qui sont tués à ce petit jeu. Et au bout du compte, il va donc, il ne va pas cacher ses critiques, notamment vis-à-vis de Castelnau, qui l'a précédé à la tête de la 2e armée. Mais c'est le même Castelnau qui conseillera à Joffre en février 1916, alors que la situation apparaît complètement hors contrôle à Verdun, de confier à Pétain la défense de Verdun. Et là, entre le 25 février et puis la mi-avril, en gros, eh bien, pendant ces 2 mois pratiquement terribles, eh bien, il va réussir à contenir la poussée allemande, gagner la bataille défensive tout à fait nécessaire pour mettre en échec les intentions de Falkenhayn, le commandant en chef de l'armée allemande. Comme il réclame sans arrêt de nouveaux renforts et qu'il veut alimenter la fameuse Noria par la voie sacrée qui permet justement de renouveler les troupes, de renouveler les forces, ça a été une des clés du succès français à Verdun. Joffre n'est pas trop content parce qu'il a prévu une grande offensive sur la Somme avec les Anglais au début du mois de juillet 1916. Et finalement, Pétain va se retrouver mis de côté. Alors évidemment, on va lui assurer une promotion. Il va se retrouver à la tête du groupe d'armée du centre. Mais c'est un de ses subordonnés, Nivelle, qui va prendre le commandement à Verdun. La bataille va se poursuivre jusqu'à l'été. En fait, dès le mois de juillet, les Allemands savent très bien que l'affaire est bouclée pour eux et ils se préoccupent surtout de la Somme. Mais dans la deuxième partie de l'année 16, Nivelle va réussir à reprendre un certain nombre de positions symboliques très fortes, comme le fort de Vaud ou Aumont, etc. Et il va en tirer des conclusions erronées quant aux méthodes tactiques qu'il faut mettre en œuvre pour emporter une décision d'ampleur stratégique l'année suivante. Et effectivement, ça va conduire tout cela. Nivelle s'étant trouvé promu au commandement en chef après la mise à l'écart de Joffre, promu lui aussi maréchal de France, mais écarté du commandement, ça va conduire au désastre d'avril 1917, c'est-à-dire la grande offensive résumé par le nom sanglant du chemin des dames, et parce que là encore, on a privilégié l'offensive, parce que on n'a pas assuré les préparations méthodiques qu'aurait mises en œuvre Pétain. Il n'a pas caché, avant le déclenchement de l'offensive d'ailleurs, ses critiques concernant la manière dont celle-ci était conçue. Nivelle va bien sûr être écarté après cet échec, hein. Il y a eu quand même près de 130 000 hommes hors de combat en l'espace de 2-3 jours, et c'est Pétain le 15 mai qui devient le commandant en chef de l'armée française. C'est ça surtout qui est important. Bien sûr, il a été le vainqueur de Verdun, mais au printemps 17, il devient commandant en chef, confronté à une situation difficile, délicate, parce que c'est l'époque de la crise de la discipline, ce qu'on a appelé les mutineries. Il va réussir à maîtriser cette crise, je dirais, au moindre coût. Hein, oui, 600 condamnations à mort, même, oui. 26 exécutions seulement. Donc, il va également transformer les conditions de vie de la troupe, réorganiser les permissions, améliorer l'ordinaire, organiser les arrières pour que les hommes s'y retrouvent dans des conditions plus favorables quand ils ne sont pas en première ligne. Ça comptera beaucoup dans sa popularité ultérieure. Et puis surtout, il va mettre en œuvre de nouveaux choix stratégiques. Hein. Ça se résume, alors la formule l'a-t-il prononcée ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça se résume dans les fameux « j'attends les Américains et les tanks ». Et puis en attendant, finit avec ses offensives sanglantes et sans résultat. Ou alors quand on lance une offensive, on la prépare de manière très méthodique, comme on le fait à la Malmaison en octobre 1917. Et c'est un succès total pour des pertes réduites. Et puis alors après, il y a une grosse échéance qui l'attend évidemment, on le sait. L'Allemagne a gagné la guerre à l'Est, les bolcheviks ont lâché l'entente, et l'Allemagne va être en situation, au printemps 1918, ramenant une bonne part de ses forces du front de l'Est, va se retrouver dans une situation de supériorité qui va durer jusqu'à l'été, le moment où l'arrivée des Américains va, à ce moment-là, renverser la balance en faveur de l'entente. Et ces mois du printemps 1918, ils sont terrible parce qu'il faut se préparer à encaisser ce choc. Et durant cette période, c'est l'armée française de Pétain qui va faire, pendant ces mois-là, le plus gros du travail. À un moment où les Anglais sont sérieusement bousculés à plusieurs reprises, hein, les coups de boutoir lancés par Ludendorff font quand même beaucoup de dégâts. Mais on va réussir à tenir. C'est Pétain qui fournit à Foch après le moment où Foch devient commandant interallié après la conférence de Doullens. C'est lui qui lui fournit les troupes françaises qu'il avait en réserve pour stopper les Allemands devant Amiens. On conduit là cette campagne du printemps 18 au bout du compte dans les meilleures conditions. Et tout cela, ça va déboucher au mois de juillet, sur la contre-offensive victorieuse du 18 juillet, hein, après le quatrième grand coup de boutoir allemand du 15 juillet en Champagne. Pétain l'avait anticipé, il a préparé la contre-offensive, et le 18 juillet, c'est la 10e armée de Mangin qui se jette dans le flanc des Allemands, et c'est là qu'on remporte en quelque sorte une deuxième bataille de la Marne, qui marque le point reflux de l'armée allemande. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, le 8 août, Ludendorff peut considérer qu'il vient de connaître le jour de deuil de l'armée allemande. La retraite des Allemands est maintenant inéluctable. Alors il y a un grand débat à la fin du conflit. Pétain avait préparé une grande offensive pour le 15 novembre en direction de la Lorraine et du Palatinat, qui devait être le coup de grâce porté aux Allemands. Il souhaitait marquer les choses en occupant au moins en partie le territoire allemand pour donner aux Allemands la conscience de leur défaite. Il regrettait que Foch, Clémenceau, les Anglais préfèrent évidemment pousser en Belgique. Hein. Il pensait que le centre de gravité de l'essentiel de l'effort devait être plus à l'est. Et puis, le 11 novembre, on le sait, l'armistice intervient. Pétain aurait voulu continuer la guerre, lancer la fameuse offensive du 15 novembre. Alors évidemment, on comprend bien le débat en termes stratégiques, en termes politiques. À terme, il avait sans doute raison. Non, la France avait déjà 1 400 000 tués. Pour les dirigeants, pour les responsables, Clémenceau, Foch en l'occurrence, ils ont préféré finalement signer l'armistice. Mais c'est un débat qui était tout de même très, très intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Pétain, en 1918, il reçoit son bâton de maréchal au début de décembre à Metz. En 1918, il apparaît sans aucun doute comme le patron de l'armée française qui a fourni le plus gros d'efforts. La guerre de 14, c'est un sans faute continu pour lui, ce qui n'a pas été le cas pour Joffre, dont on a bien vu quand il était commandant en chef les erreurs qu'il a commises. La victoire de la Marne a permis de boucher, de camoufler beaucoup de choses ensuite, mais cette stratégie de l'offensive, de la rupture à tout prix, a coûté très cher pour des résultats nuls. Quant à Foch, aussi bien en 1914 à Morange que durant l'offensive de la Somme, le parcours là aussi n'a pas été parfaite bout en bout, ce qui n'est pas le cas de Pétain. Et ça va être l'origine de son immense popularité, oui. D'autant que très vite, Joffre et Foch vont disparaître. C'est 1928-31, je crois, la mort des deux maréchaux. Et donc, il reste le grand vainqueur vivant de la guerre. Il occupe des fonctions très importantes, toujours comme commandant en chef immédiatement après la guerre, ensuite comme inspecteur général de l'armée. C'est lui qui inspire globalement la pensée militaire pendant toute cette période. Il bénéficie d'un prestige considérable dans l'armée, mais aussi dans l'opinion, et surtout, et c'est intéressant de le rappeler, y compris à gauche, puisqu'il est considéré comme un maréchal tout à fait républicain. Tout à fait, mais oui. Alors que l'on soupçonne Franchet des Prés de contact avec la cagoule, l'on sait que Castelnau, qui n'a pas été maréchal, lui, parce que Clémenceau ne voulait pas donner le bâton au capucin botté, Castelnau était un homme qui appartenait tout à fait à la droite catholique traditionnelle, Pétain, c'est le maréchal républicain, et on voit des hommes comme Léon Blum, des hommes comme Pierre Caud, à l'époque du Front populaire, dire tout le bien qu'ils pensent d'eux. Mmh. Et Léon Blum, en 1939, s'indigne que l'on envoie un homme comme Pétain comme ambassadeur chez Franco, parce que on lui envoie ce qu'on a de meilleur, dit-il. Et c'est quand même pas normal, n'est-ce pas, auprès de ce dictateur, etc. Donc, il y a un consensus très large autour de la personne du maréchal, ce qui explique dans une large mesure les réactions du pays, les réactions de l'opinion et de la classe politique d'ailleurs, dans sa majorité, en 1940, au moment où la France connaît l'écrasante défaite que l'on sait. Alors, justement, je renforce ce que vous venez de dire sur l'éclectisme des hommes politiques qui ont apprécié le maréchal, puisque le monarchiste, le royaliste Charles Maurras, lui-même va être un grand défenseur du maréchal Pétain, qui est un républicain, ça n'empêche pas. Et en particulier, je remets toujours les choses à leur juste place lorsque j'en ai l'occasion, lorsque Maurras a parlé de la divine surprise en 1940, on a à tort en déformé ses paroles en disant que c'était l'arrivée des Allemands, mais non, c'était l'arrivée du maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Oui. Donc bien pour évidemment. Lui, c'était très important, c'était, et ça, je crois qu'il faut le dire et le redire, parce que... Pour Maurras, c'était l'engagement de la Révolution nationale. Absolument. Et dans la première partie du régime de Vichy, beaucoup d'hommes qui sont issus de la mouvance Action française sont présents d'ailleurs dans les premières équipes à Vichy, ce qui ne sera plus le cas en 1941. Non, parce qu'après... Ah oui, après, on sait bien que dans la guerre, il y a le basculement de 42 qui va, et le retour de Laval qui vont changer complètement la donne. D'ailleurs, Robert Aron, dans son ouvrage, montre bien ça, je trouve. Il avait fait une excellente, d'une manière très précoce, il avait fait une excellente analyse de cet équilibre. Mais alors, nous allons prendre quelques minutes pour lire les messages des auditeurs, parce que aussi on a la parole. Bien sûr. Alors, un auditeur, bravo et merci à Madame Dominique Paoli de nous avoir permis d'entendre une des meilleures prestations d'André Dassary. Et, toujours dans la même idée, un auditeur, les instituteurs faisaient chanter chaque semaine à leurs élèves « Maréchal, nous voilà ». Un auditeur, l'acte d'accusation du maréchal Pétain a été rédigé par les Anglais en février 1944. Point d'interrogation. C'est une affirmation. Eh bien, nous étudierons la question pour pouvoir répondre dans une prochaine émission à cet auditeur. C'est un auditeur, oui. Un auditeur, l'ouvrage du général Le Croignec, Mermoz l'Archange, a été mis à l'index. On ne le trouvait pas en librairie. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des livres du général Le Croignec. Il venait très souvent à Radio Courtoisie, et précisément très souvent le lundi soir, dans l'émission qui, à l'époque, était celle du fondateur Jean Ferré. Et je dois dire que moi, j'appréciais énormément sa personnalité et sa façon mesurée, pondérée, équilibrée de vraiment d'aborder les problèmes du maréchal Pétain. Alors, avant que nous écoutions François-Georges Dreyfus... Un compliment quand même, ça n'est pas à rejeter. Alors, donc, c'est une téléphoniste qui nous dit que plusieurs auditeurs sont très heureux de cette émission. Eh bien, écoutez, nous sommes heureux, nous, dans le studio, que cette émission les intéresse. Oui, je voulais vous demander, Philippe Conrad, dans quelques minutes, nous allons appeler François-Georges Dreyfus... est-ce que cette approche historique du maréchal a commencé à quelle époque, au fond? Est-ce qu'elle a commencé après la guerre de 40, ou est-ce qu'avant déjà il y avait des historiens qui s'intéressaient à lui? Vous voulez dire les lectures historiques Alors, il faut distinguer évidemment, notamment aujourd'hui, la lecture médiatique et politique de historique. C'est ça le problème. Sur le plan historique, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement plusieurs séquences, plusieurs périodes. Au sortir de la guerre, bien entendu, les gaullistes, les communistes ont besoin de fonder leur légitimité en accablant le régime de Vichy. Les socialistes, les radicaux veulent faire oublier que pour la plupart d'entre eux, ils ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 40. Donc évidemment, à l'époque du tripartisme, etc., Vichy est évidemment dans les... repoussé, n'est-ce pas, dans les heures les plus sombres de notre histoire. Mais dès les années 50, nous avons le travail que vous avez évoqué de Robert Aron, son Histoire de Vichy, qui est déjà un travail tout à fait considérable. Même Robert Aron qui va écrire une histoire de l'épuration. Mmh. Donc il y a une assez vite dans ces années-là, il y a une réaction, si vous voulez, une relecture. Il faut dire que l'amnistie intervient dès 1952-53 pour la plupart de ceux qui avaient été inquiétés ou condamnés en 1945. Donc les choses changent durant cette période. Philippe Conrad, je vous propose de continuer ce passionnant ce que vous êtes en train de nous dire, parce que nous avons en ligne, je crois, François-Georges Dreyfus, le professeur, et je vous propose de mettre vos casques pour pouvoir l'écouter. François-Georges Dreyfus, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Ah, je suis très heureuse que vous puissiez participer à cette émission, même de loin. Vous savez que dans le studio, il y a donc l'arrière... J'ai entendu l'émission jusqu'à maintenant. Vous l'avez entendu ? Écoutez, mais c'est merveilleux. Alors donc, c'est vous maintenant que nous écoutons dans votre témoignage d'abord personnel et ensuite d'historien. Sur le maréchal Pétain. Témoignage personnel, il va être quand même très bref. Je n'ai jamais rencontré le maréchal, bien entendu. J'ai vécu sous le gouvernement du maréchal. Et je n'oublie pas, nous y reviendrons tout à l'heure en fin de, à la fin de mon intervention, que si le maréchal n'avait pas joué le rôle qu'il a joué, je ne serais sûrement pas aujourd'hui parmi vous, et je serais allé mourir à Auschwitz. Bon. Ceci dit, soyons historiens. Lorsqu'Annick Riel, en août 1942, arrive à Grenoble, elle se dit, venant de Paris à la suite des Veldiv, enfin, nous vivons dans un pays libre. Alors, cela pose quand même un certain nombre de questions. Le maréchal, en fin de compte, si on est sérieux, est populaire jusque pendant toute occupation. Avec des périodes plus ou moins grandes, mais lui est populaire. Et on n'est pas de même de son ministre Laval. Deuxième élément, il le demeure relativement à la libération. Il y a un sondage au moment du procès Pétain sur l'opinion des Français à l'égard du maréchal. Il y en a encore une près de 40% qui sont favorables au maréchal. Et il faut être très objectif. Comme vous l'avez, comme Philippe Conrad vient de le rappeler, le rôle de Robert Aron a été considérable, et il faut bien dire que jusque dans les années 60-65, eh bien, l'historiographie à l'égard du maréchal est relativement juste, même si elle peut nous gêner sur certains plans, nous y reviendrons tout à l'heure. N'oublions pas que le général de Gaulle a envisagé en 1961 un transfert du corps du maréchal à Douaumont, et il y renoncera parce que M. Maître Idorny veut en faire une opération strictement politique. Alors, le grand problème, c'est un historien américain qui s'appelle Paxton. Pour Paxton, on a fait l'historiographie de Vichy sans consulter les archives allemandes. Alors qu'en fait, comme je l'ai dit moi-même à Paxton, consulter les archives allemandes, ça a impliqué peut-être se faire une autre idée des choses. Je prendrai un exemple tout simple. En 1943-44, le maquis Birakeim entre l'Aveyron et le Gard joue un rôle considérable. Et un beau matin, où il est attaqué, et les Allemands sont battus. Et trois jours plus tard, ils se sont de nouveau battus à 50 km après. En fait, le maquis Birakeim était renseigné par les Allemands, à qui on donnait des indications choisies dans le cabinet du préfet de l'Hérault. Le résultat, évidemment, les archives allemandes parlent de la collaboration de M. Hontebéry. Et en fait, cette collaboration, elle est telle que la Gestapo, au mois de juin 1944, arrêtera M. Hontebéry et l'enverra en Allemagne. Il reviendra d'ailleurs, heureusement, après la guerre. Alors l'école paxtonienne est devenue le dada à la mode. Et elle joue un rôle très important dans la mesure où l'Institut du temps présent qui a été confié à un certain nombre d'universitaires, qui sont curieux d'ailleurs. L'un d'entre eux, Jean-Pierre Azéma, qui est d'autant plus anti-pétiniste, il veut faire oublier le rôle joué par son père au Parti populaire français, chez Doriot. Il y a d'autre part toute une série d'autres collègues. Or, ce groupe de l'Institut en prison est universitairement parlant, puissant. Il est soutenu médiatiquement par la presse en général, mais aussi par des hommes comme Cordier, qui a été le secrétaire de Jean Moulin, qui est l'auteur de trois volumes extraordinaires sur Jean Moulin. Il y a aussi Aubrac et toute cette bande, je m'excuse de l'appeler ainsi, va faire en sorte que tous les historiens qui ne reconnaissent pas et ne s'agenouillent pas devant Paxton, eh bien, sont des méchants, ils n'ont rien compris à l'histoire. Et alors, il reste que quelques historiens en dehors de cette tendance, mes collègues Cointé et moi-même, mais nous sommes totalement exclus des médias. Tout ceci est aggravé par le procès Papon. Alors là, le procès Papon est un moment important, parce qu'on va changer complètement les choses. Et ici, le rôle des politiques est important. Vichy fait peur, car on craint un lien entre le Front National et lui, avec des manifestations dans un certain nombre de régions. Or, on recherche le consensus et l'unanimité, et par conséquent, il va y avoir un procès Papon qui pose d'énormes problèmes. Parce que pourquoi attaquer Papon ? Parce qu'il a été secrétaire général du département de la Gironde, mais ne pas attaquer le secrétaire général de la Haute-Garonne, qui a déporté beaucoup plus de juifs que M. Maurice Papon. Seulement l'un était un ancien ministre de Gaulle et du Giscard, et était préfet de police à Paris pendant la guerre d'Algérie. Alors là, on tombe sur toute une autre série de choses. C'est le temps de la présidence Mitterrand, et au fond, le président Mitterrand soutient ses anti-pétinistes afin qu'on ne s'occupe pas de son pétinisme à lui. Et, évidemment, après 1995, apparaît Jacques Chirac. Jacques Chirac va inaugurer une nouvelle méthode. Jusqu'en 1995, à l'anniversaire du maréchal, la tombe du maréchal a lieu, et fleurit avec une grande gerbe le président de la République française. C'est vrai au temps du général, c'est vrai au temps de Pompidou, c'est vrai au temps de Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai au temps de Mitterrand. Et le seul qui arrête cette opération, c'est Jacques Chirac. Ensuite, il y a le discours sur les Maldives. Alors, je dois dire que là, il y a un problème sur lequel je reviendrai, parce qu'il est très important. En fait, le maréchal a perdu beaucoup de sympathie, c'est vrai, et puis peu à peu les choses se sont éloignées. Ses anciens fidèles, eh bien, ou ceux qui avaient travaillé avec lui-même, et dans les temps anti-pétinistes, je renvoie à mon article de la Nouvelle Revue d'Histoire qui vient de sortir, et on comprendra très bien comment les choses se sont passées. En fait, sur quoi se fonde l'anti-pétinisme aujourd'hui? Quatre choses. L'armistice de 1940, Montoire et la collaboration, le pétinisme est une forme de fascisme, et enfin, la complicité avec la Shoah. Alors le 1, sur l'armistice de 1940, je voudrais rappeler qu'en 2010, à l'école militaire, il y a eu un grand colloque pour montrer que militairement parlant, la guerre de 1940, il fallait mettre fin. Il fallait mettre fin, car l'armée française est exsangue. Il n'y a rien de prévu pour combattre en Afrique du Nord. Et surtout, on oublie une chose dont personne ne veut parler. Le 16 juin 1940, le chef de cabinet du général Franco écrit à Hitler qu'il est prêt à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, à condition qu'on donne à l'Espagne le Maroc français et le département d'Oran. Et Hitler va hésiter, et en fin de compte, les maréchaux allemands poussent à l'acceptation de cette lettre, et Hitler refuse. Il s'apercevra plus tard qu'il a fait une énorme bêtise stratégique, mais c'est trop tard. Les Espagnols ne veulent plus marcher, les choses sont dites, la situation est différente. D'autre part, on ajoutera que il est évident que cet armistice de 40, impliqué, si on ne l'avait pas signé, impliquait de la poursuite de la guerre. Et il n'y avait pas de moyens pour transporter des troupes et surtout du matériel en Afrique du Nord. Et il n'y a pas d'aviation française ou britannique pour protéger la flotte de Méditerranée contre les flottes italiennes et allemandes. Deuxièmement, il y a Montoire. Alors c'est vrai, Montoire a été voulu par le maréchal. Il l'écrit d'ailleurs très simplement à son fidèle ami, le général Végan, dans une lettre de novembre 1940. Et il explique que il a voulu rencontrer le Führer pour diminuer, desserrer le poids de la ligne de démarcation, ensuite pour diminuer les frais d'occupation, et enfin pour obtenir le retour en France d'un grand nombre de prisonniers de guerre, car c'est le temps où il y a 1 800 000 Français en Allemagne. Alors la collaboration, c'était un peu une rigolade. Alors, je voudrais ajouter une chose. Collaboration, le maréchal n'est pas du tout est tout à fait conscient que ça peut aller très loin. Et il estime que pour se maintenir l'équilibre, il faut se débarrasser de Laval. Il disparaît le 13 décembre 1940 du gouvernement. Et à ce moment-là, le maréchal Pétain envisage de transférer le gouvernement d'ici à Alger. Et en même temps, on le sait d'autant mieux qu'il le fait en décidant d'emmener à Alger des prisonniers politiques qui sont là depuis octobre 40, Vincent Auriol, Daladier, Mondel, etc. Ils sont tous dans une résidence forcée et on les envoie vers le Marseille. Et on les arrête au dernier moment, l'opération est arrêtée. Alors il est intéressant de noter que mon collègue Carlier, dans la revue d'histoire du conflit contemporain, souligne bien que si le maréchal a arrêté l'opération, c'est sur l'ordre des États-Unis. Le gouvernement américain, le président Roosevelt fait savoir que dans ces conditions, entrer en guerre maintenant, mais les Anglais sont incapables de soutenir le poids d'une nouvelle guerre. Ils n'ont pas de moyens militaires, ni terrestres, ni aériens, sauf ceux qui envoient la bataille d'Angleterre. Et l'opération, d'ailleurs, est tout à fait confirmée par la crise de l'armée anglaise en Grèce au printemps 1941. Alors, enfin, on reproche à la Révolution nationale d'être une espèce de forme de fascisme. Alors là, je vous avoue que je suis toujours un peu étonné. Le pouvoir à Vichy en 1944 appartient à qui ? À toute une série de technocrates qui ne sont absolument pas maurrassiens, fascistes ou quoi que ce soit. Ils sont des technocrates de très grande qualité, aux finances boutiliers, Berthelot au transport, et qui par conséquent font une politique nouvelle, une politique technocratique, c'est incontestable, et qui rejoint tout simplement la politique préconisée par les non-conformistes des années 30, qui s'appellent Emmanuel Mounier, qui s'appellent Robert Aron, qui s'appellent Avec Ordre Nouveau, et qui écrivent à plusieurs reprises qu'il faut se préparer à une révolution profonde, etc., fondée sur le corporatisme, et fondée aussi sur le développement économique et le développement et le changement des institutions. Alors le corporatisme, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Prévost, à partir des années 30-35, l'Église catholique le reprend à son compte. Il faudrait quand même regarder ce que sont les semaines sociales d'Angers de 1935, à la plus grande gloire du corporatisme, et qui sont animées par François Perroux. C'est tout à fait important, ce n'est pas l'Action française et le corporatisme, ni l'italien, ni le maurassien, mais c'est bien le corporatisme de l'Église catholique romaine. En fait, la politique intérieure et économique de Vichy, elle est fondamentalement fondée sur la doctrine sociale de l'Église. D'autre part, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une la politique économique et sociale qui est menée ouvre la voie à ce que Jean Forestier a appelé les Trente Glorieuses. Et enfin, il ne faudrait pas oublier non plus que cela engage une politique institutionnelle. Et il faudrait peut-être se souvenir que les idées institutionnelles du gouvernement de Vichy ont été mises en place en octobre 1958 par la constitution du général de Gaulle. Alors je prendrai un exemple de ce qui est très clair. C'est des milieux, certains milieux qui entourent le maréchal, lui suggèrent de créer des provinces. Alors les provinces, l'idée n'est peut-être pas mauvaise, mais le milieu technocratique ne veut pas entendre parler de provinces, et par conséquent, on va appeler ça des régions. On fait une carte de 22 régions, qui, que je sache, au 1er août 2011, est toujours en vigueur. Avec quelques changements, mais la politique régionale, elle date du mois d'avril 2011, et elle est signée Darlan, qui estimait qu'il était plus commode de gouverner 20 préfets qu'une centaine. Alors, quatrième chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est la complicité du maréchal avec la Shoah. Et alors, il est évident que ceci a été renforcé par la déclaration de Jacques Chirac, faisant du Veldiv la France complice de la rafle du Veldiv. Alors c'est totalement inexact. La rafle du Veldiv, c'est elle se fait dans Paris occupé, et de fait des règlements internationaux, c'est le pouvoir appartient à l'armée d'occupation, l'armée allemande n'a besoin de personne pour faire des arrestations de juifs en France. Par contre, il y a complicité de l'équipe Laval avec le gouvernement du Reich à propos des juifs réfugiés en France en zone libre que on a interné en 1941 et que l'on livre à l'Allemagne en 1942. En ayant conscience, il faut aussi en avoir conscience, que ces problèmes de juifs étrangers n'intéressent pas grand monde. Lorsque le père Fessard il a demandé au cardinal Gerlier d'intervenir pour protester. Le président Elbronner, le président du Consistoire central israélite, insiste auprès du maréchal pour que l'on ne fasse rien, car cela retomberait sur les juifs français. Tout ceci est confirmé par deux choses. D'abord, mes remarques en conclusion, si vous voulez bien, l'histoire de Vichy, tant l'histoire de Vichy que l'histoire de la résistance, sans lequel de tous les pays d'Europe occidentale, la France est le pays qui a eu le moins de déportations, juifs ou non. Après tout, la France a un gouvernement, il n'y a pas d'école juive en France, il n'y a pas d'interdiction juive de se marier, il n'y a pas d'interdiction de mariage mixte. Or, c'est la loi au Pays-Bas, il n'y a plus de gouvernement. En Belgique, il n'y a pas l'interdiction de mariage mixte, mais il y a une loi qui oblige les juifs à aller dans des écoles juives, avec des proportions d'arrestation, ce qui ferait en France, tous les juifs français auraient quasiment disparu. C'est d'ailleurs confirmé par deux ouvrages. La thèse de Mme Yagin. Mme Yagin est professeure d'histoire du XXe siècle à l'université de Tel Aviv, et elle vient de montrer que la France était vraiment le pays où il y avait eu le moins de déportés et qui avait le mieux protégé ses enfants. Et c'est confirmé par les travaux d'un chercheur suisse, André Charguerreau, qui dit exactement la même chose. Alors tout ceci, on essaie de brouiller l'histoire de l'image du maréchal. Je le dis d'autant plus que chacun sait ici que j'ai toujours été partisan du fait que le maréchal qui parte en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, car je pense encore, c'était l'intérêt de la France, même si ce n'était pas l'intérêt des Français. Voilà ce qu'il faut dire. Je vous remercie. Alors, François-Georges Dreyfus, c'était superbe ce que vous venez de nous dire. C'est vraiment magnifique, clair, comme d'habitude. Les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent, ils connaissent la qualité immense de tout ce que vous dites à la radio, de toutes vos émissions, puisque vous avez une émission un dimanche sur quatre. Franchement, c'était très émouvant tout ce que vous nous avez dit, et je crois que dans le studio, tout le monde me rejoint dans mes remerciements, vraiment du fond du cœur, François-Georges. Merci, Dominique. François, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, professeur. Donc, nous revenons dans le studio. J'avais un petit peu coupé Philippe Conrad dans son envolée, mais le temps court, nous sommes un petit peu juste. Peut-être déjà une... Oui. On rappelait que nous sommes sur Radio Courtoisie. Mais je viens quand même de le faire. Et alors, peut-être lire alors, à la file toute Bien une sûr, série de messages. Un auditeur, un homme qui a beaucoup défendu le maréchal Pétain, le colonel Rémy, qui fut un grand résistant. Je suis un maréchaliste, dit cet auditeur, convaincu et militant. Mais cela ne me fait pas oublier le rôle éminent du maréchal Fayol. Oui, le maréchal Fayol était un subordonné du général Pétain lors de l'offensive d'Artois. Il commandait l'une des divisions du 33e corps, donc qui était aux ordres du maréchal Pétain, et Fayol était un petit peu dans le même état d'esprit que Pétain concernant justement la place trop grande laissée aux doctrines prônant l'offensive. Hein. C'est à lui qu'on attribue généralement l'expression « attaquons comme la lune ». Un auditeur, c'est en 1917 que le moral des troupes françaises et anglaises s'est effondré. 3 semaines d'utilisation de l'hypérite à compter du 3 juillet, inventé par Fritz Haber, a fait plus de pertes que l'année 1916. Un auditeur. Pétain avait amélioré l'ordinaire du soldat. Il est à l'origine du fameux biscuit Pétain ou biscuit de guerre. Il avait fait mettre au point une formule de complément par des biologistes. Mais c'est ce que vous avez dit, Philippe Conrad. Hein, vous nous l'avez bien expliqué. Un auditeur, ne pourrait-on pas faire un sondage auprès de tous les députés et sénateurs UMP en précisant que leur réponse serait publiée? La question serait, considérez-vous le maréchal Pétain comme un traître ou au contraire comme quelqu'un qui a sacrifié son prestige pour atténuer les souffrances du peuple français? Et là, j'ajoute son honneur, car c'est quand même peut-être là, le plus serait... important, non, Philippe Conrad, que ce soit l'honneur qui l'ait sacrifié. Oui, bien sûr. Oui. Bravo, c'est une auditrice. Bravo, cela fait du bien d'entendre tout cela. Pour l'auditeur qui cherche les livres du général Le Grognec, vous pouvez les trouver à l'APDMB, 5 rue Larribe, dans le 8e arrondissement à Paris, ou aux éditions du Chiré. Merci à vous pour cette émission de la vérité sur le maréchal. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Florence Perdu. Hein. L'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, 5 rue Larribe, à Paris. Dans le 8e. C'est tout près de chez moi. Voilà. Donc. J'ai un auditeur, mesdames, messieurs, j'ai entendu dire sur vos ondes que le général Pétain avait émis un jugement défaitiste lors de l'offensive et de la percée allemande du printemps 1918 en émettant l'hypothèse d'une demande d'armistice. N'ayant encore rien lu sur ce sujet intrigant, je serais très reconnaissant aux éminents historiens présents de dire ce qu'ils savent de ce détail colporté par des gaullistes déclarés, car je me méfie désormais beaucoup de ces gaulolâtres. L'anecdote est probablement décontextualisée et volontairement dénaturée. Je remercie vivement M. Prévost pour son ouvrage consacré à l'entrevue de Montoire. Mais on va en parler, justement. Oui, j'espère qu'il a connu une bonne diffusion. Cordialement, c'est un adhérent, ancien gaulliste repenti. Moi, je remercie très vivement tous ces auditeurs qui nous écrivent. Il y avait d'autres... Non, il y avait d'autres... J'ai une auditrice qui dit les nouvelles éditions latines peuvent procurer les ouvrages du général Le Grognec. Au téléphone, je vais donner le téléphone, 01 43 54 77 42. Je redis pour ce procurer ses ouvrages, le 01 43 54 77 42. Alors, je vais lire un petit message qui rejoint ce que vous lisiez tout à l'heure. Un auditeur qui nous dit « Je voudrais adresser toutes nos félicitations pour avoir passé, maréchal, nous voilà ». Visiblement, nous en avions parlé d'ailleurs avec Henri de Lesquin et nous étions tombés d'accord pour dire qu'il fallait absolument le faire. Alors, J'ai un message, et là je me tourne vers Philippe Prévoux, à qui je n'ai pas encore donné la parole, c'est très mal, il est tard, et je lui suis toujours très reconnaissante de tout ce qu'il fait pour cette émission. Donc, un éditeur nous dit, quand Hitler a rencontré le maréchal Pétain en Montoire, d'ailleurs le professeur Dreyfus vient d'en parler, il venait d'être éconduit par Franco. Il a dit « J'ai été éconduit par le dictateur d'une nation de seconde zone, mais il a été subjugué par le maréchal Pétain ». Alors j'aimerais bien, mon cher Philippe Prévoux, que vous rebondissiez, comme l'on dit aujourd'hui, sur ce message d'auditeur et surtout que vous nous parliez de Montoire. Oui, oui, bien sûr. Et de ce qui s'est passé derrière cette image qu'on a plaquée sur le maréchal et qui est une véritable ignominie, je dirais. Absolument. Enfin, je voudrais commencer par dire que je suis confus d'intervenir après François-Georges Dreyfus, dont l'intervention a été extraordinaire. Extraordinaire. Qui a préfacé un de vos ouvrages. C'est formidable. C'est absolument formidable. Et pour dire qu'à cet auditeur, déjà qu'effectivement, quand le maréchal a rencontré Hitler, c'était au lendemain de la rencontre d'Hitler avec Franco. Car Hitler, Hitler se déplaçait, mais il n'avait pas l'habitude de venir très souvent en France. Mais il a voulu venir pour deux raisons. Pour voir d'abord Franco, parce qu'il voulait s'emparer de Gibraltar. C'était une idée qu'il avait eue. Et parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait une énorme bêtise en signant l'armistice. L'armistice qui a été tant reproché au maréchal. Mais 15 jours après, vous savez qu'Hitler a demandé à ce que le maréchal l'autorise à passer par la zone libre pour pouvoir aller en Afrique du Nord et pour pouvoir continuer. Et le maréchal a refusé en s'abritant derrière l'armistice, derrière les clauses de l'armistice précisément. Donc Hitler va rencontrer Franco pour pouvoir, suivant l'opération, l'opération de code, c'était Félix, pour pouvoir passer à travers l'Espagne, bien sûr, il serait passé par le sud de la France, passer à travers l'Espagne pour s'emparer de Gibraltar. Et Franco, prévenu par le maréchal Pétain, va présenter des demandes. Il ne va pas évidemment lui refuser catégoriquement, parce que, vous savez, Franco est très prudent. Il sait très bien que l'Espagne vient de sortir d'une guerre civile atroce. Il n'a pas beaucoup de troupes. Donc il ne va pas s'opposer de front à Hitler, mais il va lui présenter des demandes tellement exorbitantes qu'Hitler va comprendre que Franco, c'est une fin de non-recevoir. D'ailleurs, il dira, je crois, à ses familles après, j'aurais préféré me faire arracher toutes les dents plutôt que de discuter avec ce type. C'est dire que, évidemment, il a été très mal reçu par Franco. Et le lendemain, donc, il rencontre le maréchal à Montoire. Et comme l'a dit François-Georges Dreyfus, comme l'a dit si bien François-Georges Dreyfus, c'était le maréchal qui avait demandé l'entrevue de Montoire. Et les Allemands n'ont accepté cette entrevue qu'à partir du moment où ils ont vu que la France défendait ses possessions africaines. En particulier, vous avez eu la fameuse histoire de Dakar. Hein. Au début septembre, sur incitation de De Gaulle, les Anglais décident veulent débarquer à Dakar avec les troupes gaullistes. Vous savez comment ça s'est terminé, c'est très mal terminé pour eux. Quoi, bon. Et donc, le maréchal demande cette entrevue, pourquoi ? Essentiellement pour diminuer, comme l'a dit François-Jean Dreyfus, les frais d'occupation, laisser la possibilité alléger la zone de démarcation, parce que vous savez qu'il était très difficile à l'époque de passer de la zone libre à la zone occupée, et surtout pour essayer de faire revenir en France un certain nombre de prisonniers. La France est un pays exsangue. Il ne faut pas oublier que la guerre de 14 nous a saignés à blanc, complètement à blanc. Nous avons eu 1 500 000 morts, sans compter les grands blessés. Et nous avons mis près de 2 millions de prisonniers. Alors que notre natalité avant-guerre a été extrêmement faible, entre les deux guerres, elle était déjà faible avant la guerre de 14, notre natalité est très faible, Et donc, la France est un pays absolument exsangue. Le maréchal veut rencontrer Hitler pour lui poser ses questions. Et il a aussi, à mon avis, d'autres soucis en tête. Vous savez que... Alors, je voudrais quand même revenir sur un petit détail important, parce que on critique beaucoup le maréchal pour avoir accepté l'armistice de 1940. C'est une preuve, dit-on, de grande trahison de la part du maréchal. Or, il faut savoir qu'après l'invasion de la Norvège, les Français et les Anglais ont mouillé des mines de façon stupide en avril, en 8 avril 1940. Les Allemands répondent de façon foudroyante. Ils débarquent à Oslo. Ils remontent au fur et à mesure. Et se rendant compte que la cause est quasiment perdue, à ce moment-là, un nommé Mowinckel, qui a été ministre, premier ministre norvégien, qui a des relations aussi avec la Suède, il ne faut pas oublier que la Norvège et la Suède ont été un pays uni jusqu'en 1905, Mowinckel propose un plan qui est difficilement adopté par les Français et les Anglais, mais compte tenu de la panade dans laquelle nous sommes, nous finissons par l'adopter fin mai 1940. Et que prévoit ce plan Mowinckel? Il prévoit que la zone nord de la Norvège sera une zone libre, et peut-être contrôlée par les Suédois, mais enfin une zone essentiellement libre, et les Français et les Anglais sont trop heureux de se raccrocher à cette bouée, et c'est pour ça qu'est faite d'ailleurs la fameuse opération l'opération sur Narvik. L'opération sur Narvik ne s'explique que comme ça. L'opération sur Narvik est absurde sur le plan militaire, elle ne s'explique que sur le plan diplomatique, pour appuyer les Suédois et les Norvégiens et pour obtenir l'application du plan Mowinckel par l'Allemagne. Le plan Mowinckel échouera parce que les Français et les Anglais s'en vont trop vite de Narvik, c'est tout. Or, le maréchal Pétain obtient un armistice. Alors, il a été appuyé, attention, le plan Mowinckel a été appuyé par Reynaud et par Churchill. Or, le maréchal obtient un armistice beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, puisque nous avons une zone libre, comme vous le voulez le plan Mowinckel en Norvège, mais nous conservons notre flotte et nous conservons nos colonies. Ce qui est quand même extraordinaire. Bon, l'armistice est dur, mais n'est pas infamant. Et dans les conditions où nous étions, dans les conditions de débandade dans lesquelles était l'armée, c'est une armistice absolument incroyable, de notre point de vue. Et donc vous pensez que l'image qu'on a retenue du maréchal Pétain à Montoire est totalement fallacieuse? Totalement fallacieuse. Le maréchal Pétain, alors vous avez deux rapports de Montoire. Vous avez le rapport officiel et le rapport, enfin, et ce qu'écrira après la guerre Schmitt, l'interprète. Et moi, je suis parti du rapport le plus défavorable au maréchal exprès. Le maréchal rencontre Hitler à Montoire. On l'a beaucoup reproché, vous savez, la fameuse poignée de main. Mais quand deux chefs d'État se rencontrent, ils ne peuvent que se serrer la main. Surtout de la part du vaincu. Le vaincu ne peut quand même pas botter le derrière du vainqueur. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Bien. Et alors, dans le rapport officiel, après les présentations d'usage et les bonnes paroles, on dit, voilà ce qu'aurait dit le maréchal à Hitler, la proposition qu'il aurait faite. Les Anglais, dit-il, continuent leurs agressions contre la France, particulièrement contre son domaine colonial. Ils rappellent Dakar, les colonies d'Afrique du Nord, que les Anglais essayent de faire passer sous le contrôle de Gaulle, et il dit, voilà, j'essaye de faire rentrer ces renégats sous l'autorité française. Dans ce domaine, puisque le Führer avait fait l'honneur à la France de parler de collaboration, il y avait peut-être un terrain sur lequel elle pouvait être mise en pratique entre les deux pays, dit le maréchal. Sans vouloir entrer dans les détails, il pouvait assurer quant à lui que tout ce qui dépendait de lui serait fait pour assurer l'emprise de la France sur ses territoires coloniaux. Autrement dit, le maréchal aurait, tendu la perche à Hitler pour lui dire, voilà, peut-être pourrions-nous collaborer pour reprendre les colonies françaises tombées sous le joug gaulliste. Et le Hitler, au lieu de lui répondre, s'évapore dans des grands discours tels qu'il aimait les faire, c'est-à-dire les discours très généraux. Et alors, partant de là, donc, on l'accuse de maréchal d'avoir tendu la perche à Hitler, d'avoir proposé la collaboration. Le mot, il le dira d'ailleurs dans un discours radio diffusé le 30 juin suivant. En réalité, que veut faire le maréchal ? Le maréchal a entendu parler, il sait très bien que le gouvernement anglais est divisé. Vous avez deux partis dans le gouvernement anglais. Vous avez le parti qui est pour la guerre à outrance, c'est le parti Churchill, mais vous avez un parti aussi qui est derrière Halifax, et qui est majoritairement un parti conservateur d'ailleurs, et qui voudrait arrêter les frais, qui voudrait avoir la paix. Et le maréchal est parfaitement au courant que ce parti, qui a des négociations qui ont pu s'engager ou qui pourraient s'engager entre Anglais et Allemands. Vous avez eu des négociations en juin 40, entre Bornsprich et puis et Butler. Vous avez des négociations qui ont failli s'engager en Suède. On ne connaît pas très bien ce qui se passe, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'époque. Hein. Puis vous avez des négociations aussi, vous avez des approches à Berne, vous en avez à Madrid, etc. Or, le maréchal veut éviter à tout prix ces négociations, parce qu'il sait très bien que si les Français, si les Anglais, les Allemands se mettent d'accord, ça sera forcément sur le dos de quelqu'un, et donc forcément sur le dos de la France. Il veut donc savoir où on en est. Et il ne peut pas poser la question directement à Hitler. Mais il l'amène, Hitler, finalement, il juge, d'après ce que Hitler répond. Hitler, normalement, aurait dû sauter au cou du maréchal quand il lui a proposé sa collaboration pour reprendre les territoires passés sous influence gaulliste. Or, loin de là, Hitler refuse indirectement, puisqu'il part dans des considérations vaseuses et générales et tout. Donc, le maréchal a sa réponse. Hein. Il y a effectivement des tentatives de négociation entre la France, entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et à mon avis, le discours de Montoire, c'est pour dire aux Anglais, nous savons que parmi vous, il y a un certain qui font une politique de duplicité, et par conséquent, nous vous prévenons, si vous voulez aller dans ce sens-là, si vous voulez traiter avec Hitler, nous le pouvons aussi traiter avec Hitler. Voilà, à mon avis, le sens, tout le sens de la démarche du maréchal. Mais Philippe Prévost, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous écouterait encore très longtemps. Malheureusement, le temps tourne et nous allons déjà, nous, maintenant, abandonner pour quelques instants le maréchal Pétain avec Lydie et nous allons lire quelques messages d'auditeurs. Le courrier des auditeurs qui est préparé par Amandine et qui est donc commence par une auditrice de Compiègne dans l'Oise qui envoie 50 euros. Cher monsieur, touché et alarmé par les propos de Daniel Amiche concernant la situation financière de Radio Courtoisie, je vous fais parvenir sous pli ce chèque. Je ne puis malheureusement faire davantage, espérant que vous aurez beaucoup de réactions positives. Pour sauvegarder cette radio unique en son genre, je vous prie d'agréer, cher monsieur, ma profonde sympathie. Un auditeur de Paris qui s'adresse à Henri de Lesquin et qui envoie 50 euros. Monsieur de Lesquin, en réponse à votre appel à l'aide financière, vous trouverez 6 juin un chèque de 50 euros représentant un 13e mois complémentaire à mes prélèvements automatiques mensuels. Je vous renouvelle à vous et à toute votre équipe tous mes encouragements à poursuivre vos efforts dans la voie tracée par notre regretté Jean Ferré. Un auditeur de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 100 euros. Suite à votre appel au secours, voici un supplément de cotisation. Une auditrice de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 60 euros. Voici une cotisation supplétive pour aider ma radio à payer ses taxes. Une auditrice de la Selle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, qui envoie 50 euros. Voici une petite aide pour l'été. Merci et félicitations. Oui, alors j'interromps une seconde pour dire que, précisément, l'été est toujours une période très dure pour Radio Courtoisie, c'est vrai. Et nous incitons nos auditeurs, les auditeurs de Radio Courtoisie, à nous apporter leur soutien moral, on l'a, on a vu tous les messages merveilleux qu'ils nous ont envoyés, mais aussi leur soutien financier, car sans ça, évidemment, la radio ne pourrait pas continuer. Une auditrice de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 50 euros. Ma chère radio, voici un petit supplément à ma cotisation, car je suis consciente de vos problèmes financiers. Pendant un mois, je vais être privée de mon addiction à Radio Courtoisie. Peut-être la famille et le soleil prendront-ils votre place. À bientôt en septembre. Une auditrice de Paris qui envoie 80 euros. Votre radio que j'écoute chaque jour est si précieuse que je vous envoie une cotisation supplétive. Une auditrice de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 40 euros. Chers amis de Radio Courtoisie, même si j'ai mis en place un prélèvement automatique mensuel au profit de votre radio, voici cet obol pour l'été. J'aimerais tant pouvoir vous apporter beaucoup plus, car vous donnez tant de bonnes et belles cultures à vos auditeurs, y compris au cours des cercles d'auditeurs, où l'on se sent encore plus en famille. Merci du fond du cœur. Une généreuse auditrice de Paris qui envoie 1000 euros. J'ai eu la chance de recevoir un petit héritage inattendu. J'ai pensé à mes amis. Un couple d'auditeurs de la Norville, dans les Essonnes, qui envoie 40 euros. Ça y est, un fan de plus. Vos émissions permettent à chacun de sortir du stade de petite âne qu'on nourrit. Bravo pour votre compétence, votre sérieux et votre passion. Une question néanmoins, afin de moderniser la radio et de vous aider financièrement, pourquoi ne pas passer de publicité choisie? À bientôt et continuez à nous passionner. Alors, je vais faire un commentaire. Justement, la publicité, c'est la perte de la liberté. Notre liberté d'expression, nous la tenons au fait que ce sont nos auditeurs qui, par leur cotisation, nous font vivre la radio, permettent à une série de bénévoles de venir y parler, de venir répondre au téléphone. C'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est une radio associative. Mettre le doigt dans l'engrenage de la publicité, c'est perdre sa liberté. Et voyez-vous, je ne pense qu'avec la publicité, on n'aurait pas pu faire une émission comme nous l'avons faite ce soir. Et je pense que la suite du courrier bien sera relayée la semaine prochaine par Henri de Lesquin lui-même, puisque vous l'entendrez pendant 3 heures en direct. Alors, moi, je reviens un instant sur le problème financier. Vous savez que nous sommes très attachés à votre fidélité, à votre soutien. Pour nous, c'est, je dirais, nous y sommes attachés chaleureusement parce que il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le soutien politique. Il y a l'amitié, l'affection qui s'est développée dans cette radio. On l'a encore vu, Philippe Conrad, vous l'avez constaté l'autre jour à la fête de la Courtoisie, le 19 juin, Philippe Prévost aussi. Tous les deux, Florence Perdue, étaient là et ils ont donc vu comment la façon dont les auditeurs de Radio Courtoisie aiment leur radio, sont attachés à leur patron d'émission et à toute l'équipe qui fait près de 200 personnes hein, quand même. C'est une grande équipe hein, et chacun à sa manière sert merveilleusement bien la radio. Donc cet été, et bien comme tous les étés, nous avons vraiment une traversée du désert et nous avons besoin que vous fassiez un effort. Vous voyez que beaucoup d'auditeurs l'ont compris et l'ont fait. Je sais, moi je n'aime pas demander de l'argent, c'est pas une chose qui me plaît, mais malheureusement c'est une réalité de la vie qu'il faut admettre, et si vous pouvez ne pas partir en vacances sans avoir envoyé votre don à Radio Courtoisie, Radio Courtoisie, elle, ne prend jamais de vacances, vous avez tout l'été des émissions originales, même si elles ont été parfois pré-enregistrées, et donc nous nous efforçons de ne jamais faire d'arrêt, d'interruption. Alors, nous avons donc, chers auditeurs, quelques petites annonces extrêmement rapides. Oui, deux annonces. Notre ami Vladimir Dimitrievitch nous a quittés le 28 juin 2011. L'office religieux du 40e jour aura lieu le 6 août 2011 à la paroisse Saint-Sava à 17h30, 23 rue du Saint-Plon. C'est dans le 18e à Paris, métro Saint-Plon. Les camps Maxime Réal d'Elsart 2011 avec les jeunes d'Action française et d'ailleurs aura lieu en Vendée du 21 au 28 août 2011 au logis Sourdi à 85 130 la Gaubretière. Il y a un téléphone. Oui, il y a un téléphone 06 88 97 00 40. De toute façon, ces informations seront au secrétariat. Alors, je vous rappelle qu'il y a en ce moment à Monaco, Grimaldi Forum, une somptueuse exposition « Face des grandeurs des cours d'Europe ». Donc, nous en parlerons, nous développerons ce sujet le 9 août, dans notre émission que Anne-Colin et moi nous dirigeons le mardi matin, alors là, tous les mardis matins. Et donc, je pense que j'incite les auditeurs qui seront en vacances dans cette région à s'y rendre. Mais ils en seront davantage le 9 août. Et je signale aussi que le Cercle de l'Ouest parisien a changé d'adresse pour ses réunions. Prochaine réunion, le 4 août à 18h30, au café Le Capétien, 12 place du marché à Neuilly. Et maintenant, il me reste une petite minute pour vous remercier tous d'avoir accepté mon invitation. Philippe Prévost, je fais un tour de table de gauche à droite, Philippe Prévost, Philippe Conrad, et dont on connaît tous les deux les immenses connaissances. On sent d'ailleurs que les auditeurs y ont été très sensibles. Et puis Florence Perdu, qui est venue tout exprès d'Amiens, pour nous apporter le témoignage familial. Florence Perdu, je pense que vous êtes heureuse de l'atmosphère, l'ambiance qui a régné dans le studio et des réactions des auditeurs. Oui. Oui, bon. Très bien. Eh bien, écoutez, encore un très grand merci. Et je dis aux auditeurs, pour ma part, donc rendez-vous le 9 août en direct. Et lundi prochain, ils retrouveront en direct également Henri de Lesquin pour une nouvelle émission, pour son nouveau Libre Journal. Merci, donc, madame. À bientôt. Merci, Elie dit merci. Merci, Dominique. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal d'Henri de Lesquin, dirigé en seconde partie par Dominique Paoli, assisté de Lydie. Émission diffusée en direct lundi 1er août 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 2 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.